وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous reprenons notre série de cours qui sont en fait une traduction du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, qui a pour titre 21 hadiths dans, ou 21 traditions prophétiques dans la croyance et le suivi. Nous avons vu donc les 12 premiers hadiths. Aujourd'hui, inshallah, on va commencer le 13e hadith. Donc après une pause de, je pense qu'on on a raté qu'un cours. Ça fait 2 semaines en fait, parce que j'étais en voyage. Donc inshallah, on reprend aujourd'hui avec donc le 13e hadith. الحديث الثالث عشر الدين النصيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم والحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي. Donc le 13e hadith qui a pour titre « La religion, c'est le conseil. » « Ad-dinu an-nasiha. » D'après Tamim Ad-Dari, radiallahu anhu, kala l'agré, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La religion, c'est le conseil. » Et il le dit 3 fois, « Thalathan. » Nous dîmes alors à qui il dit, le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Allah et à son livre et à son messager et aux gouvernants musulmans et à la masse des musulmans. Donc ce hadith est rapporté par Muslim dans son sahih, dans son authentique, Kitab al-Iman, chapitre de la foi. Bab bayan anna ad-din nasiha. Bab bayan, babu bayani anna ad-din nasiha. Chapitre, ou si vous voulez, naam, chapitre, de la mise en évidence que la religion, c'est le conseil. Et rapporté dans Abu Daoud, donc on avait dit qu'on disait Abu Daoud, c'est dans Sunan Abi Daoud, et Ahmed dans son Musnad, et An-Nasa'i, dans son Sunan exact, également. On fait, Inch'Allah, comme d'habitude, donc une biographie succincte du rapporteur du hadith, qui est, donc Sahabi al-Hadith, هو تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية صحابي مشهور مات سنة 40 من الهجرة الهجرية. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on rapporte au niveau de la biographie, donc succincte et très résumée du rapporteur du hadith? C'est تميم بن أوس بن خارجة الداري خارجة الداري Kharijata ad-Dari, qui a pour kunya Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah, compagnon célèbre décédé en l'an 40 de l'Hégire. Mufradat al-Hadith, ou al-Mufradat. Donc, selon toujours la méthodologie de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, on voit le Hadith, takhrij al-Hadith, le vocabulaire du Hadith, et ensuite on rentre dans l'explication du Hadith. Donc, Cheikh nous dit ici ad-Din. هو الإسلام كله الإسلام كله إذ مدار الإسلام على هذا الحديث. Donc الدين, qu'est-ce que veut dire دين? C'est l'islam dans son entièreté, car l'islam entier tourne autour de ce hadith. Donc vous voyez l'importance de ce hadith. Et d'ailleurs Cheikh Rabi' hafidhahullah a un épître, une risala sur le sujet, كبوتيتر النصيحه هي مسؤوليه مشتركه لو تيتر لون مي ريتينيه جوست ان شاء الله سي فولي لاشتي جو بونس كو سي دار المنهاج كي لافي بوبليي ا ليبوك هان النصيحه اي سا جو فو دوموند دو بريتي اتونسيون باسكو اون فا دوني لو سونس لينغويستيك اي لو سونس دون لا ريليجيون كي ديكول دو سو سونس لينغويستيك داكور سي امبورطون ديتودي سو جور دو ديفينيسيون. Donc ici, qu'est-ce que nous dit sur la nasiha, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, kalimatun jami'a, ma'naha, hiyazatul hadzi lil mansuhi lah, ma'khoudatun min nasaha al-rajulu thawbahu idha khatahu, fashabbahu fi'la al-nasih fima yataharrahu min salahil mansuhi lah, bima yasudduhu min khalali thawb. Donc le cheikh ici nous dit quoi? Nous dit que la nasiha, c'est une parole générale, si vous voulez générique, qui englobe, qui veut dire le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil. Et ce mot vient de l'expression en arabe « Nasaha ar-rajulu thawbahu idha khatahu ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'homme fait la nasiha à son vêtement lorsqu'il le coud. Du verbe coudre. Regardez le sens linguistique, comment il nous permet de comprendre le sens dans la religion. Et c'est d'où vient le mot nasiha. Et donc, tout ce qui va découler de ça, quel est le comportement qu'on doit observer lors d'un nasiha, comment est-ce qu'on doit faire un nasiha, etc. Juste avec le sens linguistique qui nous donne déjà une indication. Regardez ici, il dit donc, ils ont donc fait ressembler l'action de celui qui conseille en ce qu'il fait comme effort pour le bien de celui à qui est fait le conseil avec le fait de refermer un trou d'un habit en le recousant. Vous avez compris l'image? La métaphore? Hein? Si tu donnes un conseil à quelqu'un, c'est comme si tu voulais quoi? Hein? Quand tu as un habit qui est troué, hein? On fait ce qu'on appelle une retouche, on essaie d'arranger la chose. Hein? On essaie de pallier au manque, on essaie d'enlever l'imperfection. D'accord? C'est ça de la séha. Hein? Je répète peut-être, inshallah. Donc en arabe, on a dit an-nasiha kalimatun jami'a. Ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lah, ma'khudatun min nasaha ar-rajul thawbahu idha khatahu. Fashabbahu fi'la an-nasihi fima yataharrahu min salahil mansuhi lah, bima yasudduhu min khalali thawb. Donc ici le cheikh nous dit, hafidhahullah ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit que la nasiha, c'est une parole générale qui veut dire le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil. Comme dit Cheikh Abdel Jabir, comme ça me vient en tête maintenant, il dit « Iradatul khair il ghair » que tu veuilles le bien pour autrui. C'est le même sens. Le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil, et ce mot vient de l'expression arabe « Nasaha ar-rajulu thawbahu idha khatahu ». C'est-à-dire qu'on dit que l'homme fait la nasiha littéralement à son vêtement, c'est-à-dire, si vous voulez, littéralement le conseil, lorsqu'il le coud, du verbe coudre. Donc, Cheikh dit ici, « Fashabbahu fi'la nasih » Ils ont donc fait ressembler l'action de celui qui conseille, de celui qui fait le conseil. « Fima yataharrahu min salahil mansuhi lah » en ce qu'il fait comme effort pour le bien de celui à qui est fait le conseil. Avec quoi ils ont fait ressembler? Bima yasudduhu min khalali thawb. Avec le fait de refermer un trou d'un habit en le recousant. Un khalal, un défaut. Hein? Vous avez compris l'image maintenant? C'est clair pour tout le monde. Ensuite, le mot suivant, a'immatil muslimin. Pourquoi dans le hadith on a dit ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha? Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ici, il a dit a'immatil muslimin, zu'ama'uhum kal khulafa'i wal umara'i wal ulama'. C'est-à-dire leurs leaders parmi les califes, les princes et les savants. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Wa ammatihim. Qu'est-ce que veut dire ammatihim? C'est le commun des musulmans en dehors des leaders. Sa'irul muslimin mimman adal a'imma. Donc c'est quoi ammatihim? Ammatul muslimin, si vous voulez. Le commun des musulmans en dehors des leaders. On a défini c'est qui les leaders, c'est qui? Les califes, les princes et les savants. Donc tout ce qui est en dehors de ces catégories-là, eh bien, c'est Ammatul Muslimin. Le commun des musulmans en dehors des leaders. Donc vous voyez l'importance de ces définitions-là. Avec une définition, ben, tu connaîtras l'autre définition. Hein? Donc, selon la méthodologie qu'on suit toujours d'habitude, al-ma'na al-ijmal il hadith, le sens général du hadith. Et je pense qu'aujourd'hui, inshallah, comme je reviens de voyage, je suis encore assez fatigué, je suis arrivé cette nuit, et je pense que peut-être que beaucoup de monde ne savait pas qu'ici il y avait cours, c'est un peu équivoque pour certains. Je pense qu'on va se limiter à un hadith aujourd'hui, inshallah, pour que ça fasse court. Et on va essayer, je dis surtout ça pour les gens qui ne sortent pas le talk, parce que, mashallah, il y a de plus en plus de gens qui suivent sur Internet, parce que le mot commence à tourner. C'est qu'on va essayer, inshallah, de le faire plus tôt, inshallah, le plus qu'on peut, inshallah. On va essayer de le faire plus tôt. On va essayer de trouver une grille horaire, parce que, mashallah, le dimanche, il y a beaucoup de cours. Il y a les cours de notre frère Abu Sahib, hafidhahullah ta'ala. Il y a les cours de Cheikh Roudayan qui vont peut-être reprendre. Il y a les cours d'Abu Hakim la journée. Il y a les cours d'arabe. Il y a d'autres cours que j'oublie certainement encore. Donc, inshallah, on va faire notre possible pour essayer de le mettre avant le Maghreb. Ça peut être avant le Maghreb, ça peut être avant l'Asr, mais que ce soit avant. Pourquoi? Parce qu'ici, comme vous le savez, et les gens sur Internet l'ont sûrement entendu, on fait le jam'a, c'est-à-dire qu'on regroupe les prières de le Maghreb ou l'Isha, par facilité, parce que maintenant ça devient dur au niveau des heures, parce que le Fajr est très tôt. Je pense que demain, il va être à 3h50. Inch'Allah, l'Isha est très tard, donc maintenant on fait le jam'a, on regroupe entre le Maghreb et l'Isha à l'heure du Maghreb, ce qu'on appelle jam'a taqdim. Et donc... quel est l'intérêt pour nous de faire le jam'a justement si on reste à la mosquée après, alors qu'on est censé rentrer à la maison, se reposer? Donc ça, c'est une des raisons notamment pour laquelle on voudrait mettre le... Mais c'est toujours en fonction de la grille horaire et la disponibilité dans la grille horaire, inshallah. Donc on reste en contact. Pour les gens sur Internet, inshallah, on essaiera d'ouvrir pas le talk à l'avance, comme on essaie de le faire d'habitude. Le frère qui est responsable essaiera de le faire, inshallah. Et c'est pour prévenir au niveau de l'heure. Inshallah, qui garde le contact, inshallah, ils pourront toujours, au cas où, téléphoner à la Maktaba Salafia et inshallah, avoir de plus en plus de renseignements. Donc maintenant, le sens général du hadith. Cheikh nous dit donc, « Hadal hadithu azimu sha'ni wa min jawami'i kalimi rasuli al-karimi » صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه مدار الإسلام لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم بما تضمنه من معاني النصيحة لنالوا سعادة الدنيا والآخرة ولعاشوا إخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة ومنهج واحد لحياتهم. Ici, Cheikh attire notre attention sur un point très important en disant: ce hadith a une grande importance et fait partie des paroles, ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim, des paroles qui englobent beaucoup de choses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Des paroles génériques qui englobent beaucoup de choses. Le hadith est très court, mais il englobe beaucoup de choses. Et l'islam tourne autour de ce hadith. D'où l'importance de ce hadith. Très facile à étudier. Il fait combien? Une ligne peut-être? Deux lignes, grand maximum. Si les musulmans... et Cheikh s'adresse à tous les musulmans. Si les musulmans et leurs groupes appliquaient ce que contient ce hadith en sens du conseil, ils obtiendraient le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et ils vivraient dans la fraternité et l'amour et seraient réunis autour d'une seule croyance et un seul drapeau et une seule voie pour leur vie, un seul manhaj. Ensuite, Shir, ça c'était en guise d'introduction, maintenant il rentre dans, quand on a dit, قُلْنَا لِمَنْ Pour qui il a dit النصيحة? Le prophète Sassam a dit, قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَمَّتِهِمْ. Donc on va voir un par un, inshallah, c'est quoi la نصيحة لِلَّهِ, c'est quoi la نصيحة لِلْكِتَابِهِ, c'est quoi la نصيحة لِرَسُولِهِ, صلى الله عليه وسلم, c'est quoi la نصيحة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, et c'est quoi la نصيحة لِعَمَّتِهِمْ. Le conseil à Allah. Quelqu'un pourrait se poser la question, c'est quoi le conseil à Allah? Le conseil, c'est le fait de croire en lui, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et de croire en tous les noms et attributs qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna. Et ce, de manière véridique et sincère, sans similitude, ni négation, ni falsification au niveau du sens, ni ressemblance sur la base de laysa kamithlihi shay'un, hein, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. En la traduction approximative du verset 11 de Surat Shura, la consultation. Je lis d'abord en arabe pour les arabophones également. فَنَصِحَةُ لِلَّهِ مَعْنَاهَا الْإِيمَانُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ الإيمان به سبحانه وتعالى وبكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا إيمانا حقا صادقا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخ كوتينيو ديزان وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفي الشريك عنه والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومنابذة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور له. الشيخ nous dit donc, en continuant ici, en continuant la traduction, et le fait de lui vouer, donc c'est quoi la nasaha lillah, on a vu c'était quoi? C'était le fait de croire en lui le très haut subhanahu wa ta'ala, de croire en tous les noms et attributs qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna, et ce de manière véridique et sincère, sans similitude, ni négation, ni falsification, ni ressemblance, sur la base de « il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Surat Shura, verset 11. Et le fait de lui vouer une adoration exclusive et de lui nier tout associé, et le fait de lui obéir et de s'écarter de sa désobéissance et d'aimer en lui et de détester en lui subhanahu wa ta'ala et d'aimer celui qui lui obéit et de s'opposer à celui qui lui désobéit et de lutter contre celui qui mécroit en lui et de reconnaître ses bienfaits et de le remercier pour ses bienfaits et d'être sincère envers lui en toute chose. J'aurais peut-être ce passage-là. Hein? Et le fait, donc, j'ai dit, de lui vouer une adoration exclusive et de lui nier tout associé. Et le fait de lui obéir et de s'écarter de sa désobéissance. On lui obéit et on s'écarte de sa désobéissance. Et d'aimer en lui. On aime en lui et on déteste en lui. Et d'aimer celui qui lui obéit. Et donc par opposition, et de s'opposer à celui qui le désobéit. Et de lutter contre celui qui mécroit en lui. Et de reconnaître ses bienfaits, et de le remercier pour ses bienfaits, et d'être sincère envers lui en toute autre chose. C'est ça la nasiha lillah. Si quelqu'un vous demande, c'est quoi la nasiha lillah, vous savez lui répondre maintenant. Qu'est-ce que ça implique ? D'accord ? Ensuite, le conseil à son livre. An-nasiha li kitabihi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cheikh nous dit ici. Wa amma an-nasihatu li kitabihi fal-imanu bi annahu kalamullahi munazzalun minhu ghayru makhluq. Wa annahu la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. لو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولا بعشر صور من مثله بل ولا بصورة من مثله ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند التلاوة والذب عنه برد تأويل المحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمشابهه والبحث في ناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Le conseil à son livre. Qu'est-ce qu'est le conseil à son livre ? C'est le fait de croire que ce livre, donc, c'est la parole d'Allah révélée et non créée. Et ici, quelle réfutation, pour quelle secte on a, et quelle croyance on est en train de réfuter en disant cela? Quelle croyance? La croyance que le Coran serait, hein, j'utilise le conditionnel parce que ce n'est pas vrai, que le Coran serait créé. C'est une croyance fausse. C'est du kufr de croire ça. D'accord? La croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ce que vient de dire le Cheikh ici. C'est le fait de croire que c'est la parole d'Allah révélée et non créée. Et que le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. Et même si les hommes et les djinns s'unissent ou s'unissaient, ils ne pourraient pas l'imiter, et ce même s'ils se soutenaient les uns les autres ou s'aidaient les uns les autres. Ni même 10 sourates, ni même une seule sourate semblable. Et ça, c'est un des miracles du Coran. Qu'est-ce que donc ensuite la nasiha au livre d'Allah? C'est ensuite le fait de glorifier le Coran et de le psalmodier. Hein? Tilawa, tilawa le Coran. Correctement, et d'embellir la lecture et de le méditer et de donner le droit à chacune de ses lettres lors de la lecture. D'ailleurs, c'est ça la science, hein, la lecture du Coran. Et de prendre sa défense en réfutant les fausses interprétations des falsificateurs. Et de croire en ce qu'il contient. Et de s'arrêter à ses jugements. Hein? Et ça, c'est une réfutation aussi de le fait de le chier, qu'est-ce qu'il vient de dire ici, de, en réfutant les fausses interprétations. Parce qu'il y en a certains qui viennent dire, mais allez, tu crois que le Coran, c'est la parole d'Allah? Moi, je crois que le Coran, c'est pas la parole d'Allah, ni qu'il est créé. On est tous musulmans, et khalas, on... Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Là, là. Le haq, il est un, il est unique. Le Coran, kalamullah, ghir makhlouq. Et vous connaissez tous l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ce sera un cours magnifique, ça, de faire ça. Hein? J'ai un cours d'un cheikh là-dessus, sur la vie de l'imam Ahmed. Et en fait, la mihnat de l'imam Ahmed, comment l'épreuve qu'il a subie, hein? Et qui est devenue d'ailleurs une école à suivre pour nous. Comment dans la fitna, quand ce cas, on l'a torturé, on l'a forcé à dire que le Coran était makhlouq, et il n'a jamais voulu le dire. Pourquoi? Hein? Parce que c'est le haq, et que l'imam Ahmed était suivi. Hein? Et qu'il s'est mis en face des mubtadi'a, et comment il a débattu leurs ambiguïtés, et comment il a patienté. Et en même temps, comment il a appelé à ne pas se rebeller contre les gouverneurs qui appelaient à ça. Où sont les khawarij de nos jours par rapport à ça? Regardez les gens, les imams de la sunna, hein? Le khair qu'ils ont amené pour la communauté et l'exemple qu'ils nous ont laissé à suivre. Hein? Donc il n'y en a pas un qui vient de dire non, mais Alice, tu crois ce que tu veux, c'est pas grave. Hein? On est tous frères et c'est une divergence. Et... Non, il n'y a pas de divergence là-dedans. Il y a ou le haq ou le batil. Ou le vrai ou le faux. Je pense que Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, quand on a vu au sunna l'imam Ahmed avec lui quand il était, hein, il nous a visités, je pense que c'était très clair dans ce qu'il a dit. Hein. Et d'ailleurs, ça fait partie parmi les choses avec lesquelles se distingue Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc je continue en disant, donc ça implique quoi? Et de prendre sa défense en réfutant les fausses interprétations des falsificateurs. Et de croire en ce qu'il contient. Et de s'arrêter à ses jugements. Hein, c'est une caractéristique des sahaba, hein, qui s'arrêtaient au jugement du Coran. Discutez pas. Où en est-nous par rapport à ça? Allah al-Musta'an. Hein? De comprendre ses sciences, ses jugements, ses exemples, ses limites, et de prendre en considération ses rappels. Et de méditer en ses merveilles. Et de pratiquer ces versets sans équivoque, ce qu'on appelle muhkam. Et se soumettre aux versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Hein? Ce qu'on appelle mutashabih. On avait expliqué qu'est-ce que c'est le mutashabih. Cheikh Al-Uthaymeen l'a expliqué dans Usul Muqaddima fi Usul Tafsir, dans le fondement du tafsir, il a dit, hein, que الآيات المتشابهات في شيء اللي يقصد سورة آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دوك ici شيخ العثيمين disait, si je me souviens bien inshallah, donc dans le tafsir il disait يعني que le mutashabih c'est ce que celui qui n'a pas de science pourrait croire contrairement à celui qui est enraciné dans la science. Hein? Parce que les enracinés dans la science, ils savent, ils comprennent le Coran. Hein? Il avait donné des exemples, vous pouvez revenir plus en détail à ça. Inch'Allah, dans ce livre ici, Inch'Allah, avec Cheikh Rabia, on aura plus de détails dans les hadiths qui suivent, Inch'Allah. Mais ici, le Cheikh dit, donc ça implique quoi? De prendre en considération ses rappels et de méditer en ses merveilles. Et de pratiquer ses versets sans équivoque. Et de, c'est pour ça, et se soumettre. C'est pour ça que le cheikh a utilisé le mot ici, et se soumettre aux versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses, et de faire des recherches dans l'abrogeant, ce qu'on appelle al-nasikh, et l'abrogé, al-mansour. Hein? L'abrogeant et l'abrogé. Quand il y a un texte qui abroge un autre, ben le premier on l'appelle abrogeant, et le deuxième on l'appelle abrogé. Hein? C'est-à-dire qu'on fait avec le deuxième texte, puis avec le premier, ou bien une partie du texte. On ne va pas rentrer trop les détails là-dedans, mais regardons les livres Usul Fiqh, vous allez voir qu'il y a des chapitres qui considèrent le nasikh ou le mansour. Et de diffuser ses sciences et d'appeler à lui. Le conseil au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته فيما في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعادة من عاداه وموالة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. Regardez qu'est-ce que ça implique à l'ansiha au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Important, très important passage également. Le conseil au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rendre son message véridique et de croire en tout ce avec quoi il est venu, alayhi salatu wa sallam, et de lui obéir en ses ordres et ses interdits, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et de le défendre vivant ou mort, sallallahu alayhi wa sallam, et détester celui qui le déteste et d'aimer celui qui l'aime et de glorifier son droit et le respecter. Et faire revivre sa voix. Allahu Akbar. Faire revivre sa voix, alayhi salatu wassalam. Et sa sunnah, et c'est par ce qu'on est en train d'essayer de faire par ses cours depuis le début. Hein, ça fait plus de 2 mois, je pense, qu'on a commencé hein, avec cette série de hadiths. Et répandre sa prêche. Et de lever les accusations sur sa prêche. Et d'être au service de ses sciences. Où on est par rapport à ça? Billah Ali, comme je vous demande par Allah subhanahu wa ta'ala. Où on est par rapport à ça? Hein? On dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on connaît du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Qu'est-ce qu'on connaît de sa famille? Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire? Qu'est-ce qu'on connaît de sa biographie? Qu'est-ce qu'on connaît des épreuves qu'il a subies? Qu'est-ce qu'on connaît de ses miracles? Qu'est-ce qu'on connaît de ses enseignements? Qu'est-ce qu'on connaît de ses ordres? Qu'est-ce qu'on connaît de ses interdits? Qu'est-ce qu'on connaît de son comportement? Qu'est-ce qu'on connaît de ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques comportementales? Qu'est-ce qu'on connaît? Hein, répondez. Je vous ai demandé par Allah, billah alaykoum. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce que vous estimez qu'on connaît assez et qu'on fait assez? Hein, barakallahu fikoum. Ça, c'est pour réveiller un peu, pour se réveiller nous tous. On en a tous besoin, moi en premier. Hein? Comment on est fainéant par rapport à l'étude du hadith? Comment on est fainéant par rapport à l'application de ces hadiths? Hein? Qu'est-ce qu'on connaît de la sirah de Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam? L'homme qu'on aime tant. Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Allah al-musta'an. Donc, de faire revivre sa voix et sa sunna, répandre sa prêche, et de lever les accusations sur sa prêche, et d'être au service de ses sciences. Allahu Akbar, être au service de ses sciences. Rahmatullah, Ali Sheikh Al-Albani, les autres muhaddithines, Al-Imam Bukhari, Muslim, et tous les autres. Hein? On passerait des heures à les citer. Regardez, ça c'est des gens qui ont travaillé la sunna, qui ont consacré leur vie à la sunna. Dans le grand travail de Sheikh Al-Albani a pour titre « Taqribu sunnati bayna yaday l'ummah ». Le fait de vulgariser, le fait de, c'est-à-dire de rendre facile à la masse des musulmans la sunna. Et il y a réussi. Rahmatullah alayhi wa... Hein? Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et c'est ce que fait Cheikh Rabia dans ses livres, 21 hadiths. Regardez tous les bénéfices qu'on a tirés. Sahoulala, on a tiré tous les bénéfices qu'on a tirés depuis ce cours. Depuis ce, hein? On est au 13e hadith, tout ce qu'on a appris. Donc on a dit être au service de ces sciences, d'apprendre ses sens et d'y appeler, et de bien se comporter lors de la lecture de sa prêche, et s'empêcher d'en parler sans science, et se comporter avec le comportement du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre pour exemple ses bien-sciences, ses bien-séances. Et aimer les gens de sa maison. Si je peux avoir un verre d'eau. Et aimer les gens de sa maison et ses compagnons. Et de s'écarter de celui qui innove dans sa voix. Allahu Akbar. Hein? Où sont ceux qui... Hein? Comment le dire, qui font bas profil devant le Mubtadi'a, ils sont gentils avec eux, s'assoient avec eux, ils les aident et ils nous interdisent de parler d'eux. L'implication, regardez, le hadith il est clair. Wali Rasoulihi, qu'est-ce que ça implique? De quoi? De prendre exemple pour exemple ses bienséances, aimer les gens de sa maison et ses compagnons, et de s'écarter de celui qui innove dans sa voie. Ou s'en prend à l'un de ses compagnons, hein, comme Shia. Après les gens vont te dire non, masha'Allah. Hein, c'est des moujahidines, regarde, ils ont combattu hein, au Liban, etc. Hein? Quel masha'Allah hein, kafar sahaba, ou la majorité d'entre eux, ils parlent sur Aïcha radiallahu anha. On n'a aucune jalousie. Parlez à l'un d'entre eux sur sa mère, vous allez voir la jalousie qu'il va avoir. Et la mère des croyants, subhanallah. Hein? En sachant que les ulama disent que celui qui accuse Aïcha radiallahu anha wa ardaha de la fornication, c'est un kafir, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a rendu mensonger le Coran. Allah Azza wa Jalla, il a descendu des versets qui sont lus jusqu'au jour d'aujourd'hui pour l'innocenté. Le conseil aux leaders. Wa aïmati al-muslimin. Wa li aïmati al-muslimin. Wa amma an-nasihatu li a'immati al-muslimin faqad dhakarnaha fi sharh al-hadith as-sabiq. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici? La nasiha aux leaders des musulmans, on l'a cité dans le hadith qui précède. Et c'est quoi le hadith qui précède? Qui s'est me rappelé? Et quand est-ce qu'on a parlé des leaders, le conseil aux leaders? Si vous ne trouvez pas, aidez-vous des notes, parce que ça fait 2 semaines déjà, je sais que ça fait un peu long. Hein? Et ouais. Je t'écoute? Ouais, un tournant, c'est où? Ouais, un tournant, c'est où? Hein? Barakallahu fik. Et que vous fassiez le conseil à celui à qui Allah a donné le commandement, parmi vous. ها؟ نعم بارك الله فيك، أحسنت. C'est là qu'on voit que le chef dit paye, hein, la mémorisation. Donc, le conseil, maintenant ensuite, au commun des musulmans, ou ammatihim, et ce sont, on va peut-être lire d'abord en arabe, inshallah, comme on fait d'habitude. Wa amma an-nasihatu li'ammati al-muslimin, wa hum min 'ada wulati al-amr, fa irshaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum. وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم وحثهم عن على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة أو ما ذكر من النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعة. انظر شرح النووي للصحيح مسلم. دوك الشيخ يسينو دي le conseil au commun des musulmans, et ce sont tous ceux qui sont en dehors des leaders, c'est de les orienter vers ce qui est bon pour leur vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de ne pas leur porter de préjudice, de leur apprendre ce qu'ils ignorent de leur religion. Hein, on critique souvent l'Amma, qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Qui est-ce qui prend leur main pour leur montrer la sunna petit à petit? Et comment est-ce qu'on le fait? Chez, regardez, c'est clair ce qu'il dit ici. Et de leur apprendre ce qu'ils ignorent de leur religion. C'est ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de les y aider en parole et en action, pas qu'en parole. Dire si tu fais que les paroles, si tu fais que parler, ils ne t'écouteront jamais si tu ne le fais pas, tu ne l'appliques pas toi-même. Et de leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable avec douceur. Comment ? Avec douceur et sincérité. Et wallah, si tu es sincère, si ça vient de ton cœur, ça touchera son cœur. Et de cacher leurs défauts et de pallier à leurs manques. Hein, on revient à la définition de Nasiha. On avait dit c'est quoi ? Ça vient de la langue arabe de recoudre. Quand un homme recoud son habit. Regardez le mot qu'on a utilisé ici. Pallier à leur manque. Ça rejoint le sens linguistique ou pas ? Le sens du mot Nasiha. Et de repousser de ce qui leur nuit. Et de prendre ce qui est bénéfique pour eux. Et d'éprouver de la compassion envers eux. Ça, c'est un point très important aussi. Respecter les grands. On a un grand manque là-dedans. Et être miséricordieux envers le petit. On a un grand manque là-dedans. Or, ça fait partie de la sunna. Et de leur faire le rappel de la bonne manière. Et de ne pas les duper. Ni d'être envieux envers eux. Ici, le cheikh a parlé de hasad, hein. Et d'aimer pour eux ce que tu veux pour toi-même. Comme le prophète sallam l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Donc, et d'aimer pour eux ce que tu veux pour toi-même comme bien. Et de détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même comme mal. Et de défendre leur bien et leur honneur. Et les inciter à se comporter en bien dans tout ce qui a été cité dans le conseil et de les motiver à l'obéissance. Et Cheikh ici nous donne référence, et il parle, n'oublie pas que le livre s'adresse aux étudiants de l'université de Médine, hein, et que, inchallah, on essaie de suivre cette méthodologie-là, que le cheikh avait dit au début du livre, dans l'introduction, qu'il avait écrit ce livre pour former des étudiants et pour former un. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, en tout cas, inchallah. Il dit, pour en savoir plus, voir l'explication de l'imam Nawawi, de l'authentique de l'imam Muslim. Et dans la référence, tome 2, page 38-39. Comment il s'appelle le Sharh de Sahih Muslim de l'imam Nawawi? Al-Minhaj. D'accord? Bisharhi Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Donc ici, l'imam Nawawi, il a fait une des meilleures explications, les explications de référence du Sahih Muslim, de l'authentique de Muslim. Donc Shir vous dit, si vous voulez avoir plus de détails, pour en savoir plus, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous donne une référence. Ce qui est très important pour un talib al-ilm, d'étudier les références, d'étudier les livres pour savoir à quoi se référer, pour aller faire plus de recherches. Et je vous avais dit, ne croyez pas que si on se suffit à ce qu'on fait ici, c'est suffisant. D'accord? Les enseignements tirés de ce hadith, les bénéfices tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Quatre points. Al-fa'idatul oula anna al-nasihata tusamma dinan wa islama. أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما. C'est quoi? C'est que le conseil est appelé islam. Comment on a vu que le... Qui peut me dire dans ce hadith comment est-ce qu'on a tiré que le conseil est appelé islam? الدين النصيحة, tout simplement. Le conseil est appelé islam et religion. الفائدة الثانية أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. Point très important ici, que la religion est dans les actes comme elle est dans la parole. Ça s'adresse aux beaux parleurs qui appliquent pas beaucoup. الفائدة الثالثة وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام وأئمة المسلمين وعامتهم ومن غشهم في شيء من ذلك فليس منهم. الشيخ nous dit, pas de religion pour celui qui ne fait pas le conseil à Allah, son livre, son messager عليه الصلاة والسلام, aux leaders des musulmans et le commun des musulmans. Et que celui qui est dupe, yani qui triche dans une de ces choses, ne fait pas partie d'eux. Et on comprend évidemment qu'est-ce que veut dire ici, ne fait pas partie d'eux. Hein. Et que celui qui est dupe, qui les dupe dans une de ces choses, ne fait pas partie d'eux. الفائدة الرابعة وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. Ici c'est un point important aussi. Il y a donc quatrième point, l'obligation de faire le conseil. Et ça, on a tous un manquement par rapport à ça. Dans tous ces genres qui ont été cités. Et à tous les musulmans, comment? Chacun en fonction de sa capacité, sa science et sa position dans la société. Un alim, il ne fait pas nasiha comme nous. Un hakim, il ne fait pas nasiha comme nous. Quelqu'un parmi les gens d'autorité, parmi la police ou l'armée, il ne fait pas nasiha comme nous, on le fait. D'accord? Chacun en fonction de sa capacité, sa science et sa position dans la société. Et je me rappelle une belle parole, subhanallah, de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. On va terminer là-dessus. C'est dans Silsila Huda wa Nour. Il avait demandé, quel est le prix de l'mahabba fillah azza wa jal? Quel est le prix de le fait de s'aimer en Allah, subhanahu wa ta'ala? Et dans la cassette, on entend des essais de réponse. Cher dit là, non. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلى هذا الثمن إلى سيتي سورة العصر ها إلى دي سيسا لبخي لا محبة في الله عز وجل لا في نوت بروبليم ها سو كون ا بور دو فير ان كونساي ا كلكان باسكو ا بور دو سا رياكسيون ا بور دو ها دو الفرستري. Et ça, c'est un problème qu'on a tous, Allah alam. Évidemment, il y a une manière de le faire, mais il faut le faire. Ad-din nasiha. C'est un wajib. Regardez, ad-din nasiha. Thalathan, hein? Dis trois fois. Ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa ammatihim. Barakallahu fikoum d'être resté aussi tard. Et on va rester là-dessus aujourd'hui. Je sais que j'ai fait un peu plus court que d'habitude. Inch'Allah, l'important c'est qu'on avance bien. Wa subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je remercie les gens pour la patience sur Paltol parce qu'il fait très tard en Europe maintenant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.